Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Xavier à la technique et Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork numéro 43 à l'écoute des musiques du monde. Alors, Xavier, on va en parler un petit peu. Il n'est autre que le père de la jeune technicienne Kazé, vous en entendez parler. Elle officie dans les émissions La Cerise sur le Canto. Et dans Patchwork également, qu'on diffuse le dimanche matin à 10h. Voilà, Xavier, c'est pas franchement quelqu'un qui était branché technique. Enfin, il m'a dit, je vais essayer de t'aider. Et c'est lui qui réalise l'émission d'aujourd'hui. Bravo à Xavier et merci beaucoup. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage dans les îles des Philippines. Trois coups de chapeau à une chanteuse philippine qui s'appelle Nora Honor. Une promenade autour du mot tabac et le tout étoilé de Zouk Antillais. Zouk, NJ est de retour avec un titre qui mélange Zouk et compas, un mélange qui fait son effet tout simplement magique dans tes bras, NJ. C'est un si grand honneur de t'avoir connu. Voilà tes premiers mots qui m'ont tant ému. J'ai senti qu'avec toi tout était différent. Tes mains sur mes mains et c'est parfait. Dans tes bras je me sens. Loin dans tes bras. fait Wampien. La République des Philippines est un pays de l'Asie du Sud-Est. Il est constitué d'un archipel de 7641 îles, dont 11 totalisent 90% des terres, et seulement 2000 sont habitées. L'île de Luzon, c'est la plus vaste, et elle abrite sa capitale, Manille. Population des Philippines, 100 millions d'habitants, quant à Manille, 1 700 000. Oh, c'est un pays plutôt occidentalisé et à dominante catholique. Le taux de fécondité est de 2,7 enfants par femme. L'anglais est considéré comme une langue officielle à des fins de communication et d'enseignement. Néanmoins, le gouvernement philippin encourage l'utilisation de la langue nationale fondée sur le tagalog, qui est le filipino. Malgré une grande diversité des langues, environ 150, les Philippins ont l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés de l'Asie du Sud-Est. 98% de la population de plus de 10 ans est capable de lire et d'écrire. Ben ça, c'est bien. Et le salaire moyen mensuel est de, pas lourd, 400 euros. Les principales cultures agricoles sont le riz, le maïs, la noix de coco, la canne à sucre, les bananes, l'ananas, le café, les mangues et le tabac. Les Philippines, c'est le pays de la plongée. Le basket est national et l'alcool n'y est pas cher. Les Philippins sont fans de karaoké. Ils aiment également faire la fête. Et ils organisent des basketball parties. On croise beaucoup de Philippins gays, G-A-Y-S. Ici, les homosexuels ne se cachent pas, ils sont bien vus par la société. On y croise également beaucoup de couples constitués de vieux blancs avec une jeune Philippine. Les bus, ils sont remplacés par des jeepneys. Ce sont des jeeps abandonnés par l'armée américaine, retapés, peintes de toutes les couleurs, et celles-ci accueillent parfois plus de 40 personnes. J'ai bien dit 40 personnes. Le gouvernement philippin est sans pitié contre la drogue et les trafiquants de drogue. La peine de mort pourrait être établie. Pour la détention, écoutez bien, de 500 grammes de marijuana, 10 grammes de cocaïne ou d'héroïne ou de méthamphétamine. À l'heure actuelle, on dénonce même des exécutions extrajudiciaires. La peine de mort pourrait bien être rétablie. Allez, chanson Yunka Willy Revillam. Unang kita palang sa'yo'y nabihag mo sa ngiti mo na kahit tamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka na hanap ko sa tuwina, yun kang sa'king magpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo at kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Huwag namang pagbawalan akong ibigin ka. Kung sakalit may minamahal ka ng iba, sama ka hanggang sa panaginip. Bakit na ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka, yun ka na hanap ko sa tuwi na yun kang sa'king magpapaligaya kapag nag-iisa. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Oh, yun ka, yun ka na hanap ko sa tuwi na yung kang sa'king magpapaligaya kapag nag-iisa. Premier coup de chapeau à Nora Honor. Nora Honor, elle est née en 1953. C'est une chanteuse, actrice et productrice de cinéma. Artiste nationale du peuple, c'est la superstar nationale récompensée par de nombreuses distinctions prestigieuses. En raison de sa voix unique et de ses mythiques apparitions dans les grands titres du cinéma, elle est la grande dame du cinépa philippin, Dan Danjoy, Nora Honor. Ugaling kon ikaw uhawon sa dalan magbabon-babon. Notre promenade en chanson autour du mot tabac. C'est amusant. Les Philippins sont très fiers de leur tabac, pas fiers du tout de leur drogue. C'est la fête du tabac. Mariana, dans le bal, a fait son choix, et déjà sous un arc-en-ciel de fleurs, de lampions et de bonheur, éblouit son cœur chavire. La fête du tabac, André Dassary. C'est la fête du tabac. Baïa se déchaîne dans la joie, quel éclat! Vêtus de mille couleurs, les indiens et les planteurs font voler chansons et rires. C'est la fête du tabac, chacun boit au pied des grands papayas le tafia. Quand la soif est apaisée, la vie semble bariolée et les filles endiablées. Lampions et pétards, bongos et guitares, le président court vers l'amour. Habillée de soie, voici Mariana, prête à s'élancer pour danser. Oh si, oh non, Seigneur, attention, vous froissez mon jupon. Oh si, oh non, Seigneur, dites-moi votre nom. Comme c'est bon de danser le baillon en fermant les yeux sous la lune bleue. Ah, comme c'est bon de danser le baillon dans un rythme fou, jour à jour. Ah, comme c'est bon de danser le baillon en fermant les yeux sous la lune bleue. Dans un rythme fou, jour à jour. C'est la fête du tabac. Mariana, dans le bal, a fait son choix. Et déjà, sous un arc-en-ciel de fleurs, de lampions et de bonheur, éblouit son cœur chavire. C'est la fête du tabac. Et voilà, un garçon prend dans ses bras Mariana, au bord des vagues d'argent, d'un petit rio chantant, il lui a dit doucement: que tu es jolie, Mariana chérie, je voudrai toujours ton amour. Les yeux éperdus, elle a répondu, depuis très longtemps je t'attends. Oh si, oh non, ils ont échangé leur premier doux baiser. Oh si, oh non, et le jour les a fiancés. Oh, comme c'est bon de danser le baillon en fermant les yeux sous de lèvres en feu. Ah, comme c'est bon de danser le baillon en murmurant oui pour la vie. Ah, comme c'est bon de danser le baillon en fermant les yeux sous de lèvres en feu. En murmurant oui pour la vie, pour la vie, pour la vie. Les Philippines font rêver à juste titre. Plages sublimes, faune et flore exceptionnelles, montagnes mystérieuses et population souriante. Tant de belles îles à découvrir et tant d'activités de plein air. Pour observer la faune et la flore marine et profiter des activités liées à la mer, les îles de Cebu et Bahal sont là. Alors, je demande qu'on excuse ma prononciation, il y aura certainement des choses à rectifier. Rejoindre El Nido et ses lagons aux eaux turquoises bordées de falaises de karst. La région des Visayas est un véritable trésor. Petit coin de paradis, les îles d'Apo et de Coron ont de quoi charmer les plus romantiques. Les baroudeurs se dirigeront vers le parc de la rivière souterraine ou le Monkey Trail de l'île de Palawan. Les Philippines ne se limitent pas à de superbes plages de cartes postales. Ce sont aussi de beaux paysages intérieurs avec rizières en terrasse, ainsi que des volcans dont certains sont encore en activité. Et sur l'île de Luzon, les monts Pinatubo, Tal et Mayon se prêtent à la randonnée et inspirent les explorateurs. Les Philippines sont fortes de différentes influences culturelles et en parcourant la région de Mindanao, on découvre une autre facette du pays hors des sentiers battus. Chantons Philippines, Narito Ako, Régine Velasquez. Narito Ako, hindi ibig, laging tulala. Mapakali sa damdamin na tinakambi. Deuxième coup de chapeau à Nora Honor. Couronnée de succès, sa carrière musicale, longue de plus de 5 décennies, comptabilise plus de 260 singles ainsi qu'une cinquantaine d'albums. Une carrière marquée par l'enregistrement en 1971 de l'album Blue Hawaii, Hawaiian Wedding Song, Nora Honor. You are listening to Edgar Abreu, Classic Collection. This is the moment I've waited for. I can hear my heart sing. Soon bells will be ringing. The moment of lights won't hide the sun. Blue skies of Hawaii smile on this our wedding day. Du Gris, une chanson française de Bennec et Dumont qui fut éditée en 1920. Chanson importante dans la carrière de Préel, elle chanta Du Gris en 1925 lors d'une soirée organisée à l'Olympia, mais malheureusement, Préel n'a pas laissé l'enregistrement de cette chanson. Elle a été reprise, cette chanson, par Berthe Silva, Damia Georgel, Simone Réal, Germaine Montero, Misty Gris, Colette Ritz, Pierrette Souplex, Annie Flore, Georgette Plana, Renaud, et en 2019 par la comédienne, chanteuse, tromboniste Marsu. Du Gris, Marsu. Hey, monsieur, une cigarette, une petite blonde, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, tu en devines bien la cause. Ce que je te demande, une petite clope, une garrot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule, c'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût. Dans la bouche, hé, docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est la scène qui me brûle tous les soirs. Le coupable, ah si, je peux bien vous le dire. C'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire. Les plaisirs qui durent nuit et jour. Oh, puis je m'en fous. Donnez-moi. Avant de mourir, une dernière fois. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule, c'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût. Dans la bouche, du gris que dans mes pauvres doigts je le roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois. Ça vous saoule, je sens que mon âme s'en ira. Moins farouche par la fumée qui sortira de ma bouche. extrait de son album Gentleman, un zouk à écouter sans modération pour démarrer une super journée, rien à dire, juste à fermer les yeux pour se laisser transporter. Tis oiseau, un cage, tieno. Une petite fin, Xavier ? Allez, que mange-t-on aux Philippines ? L'exotique, le succulent, l'épicé, le sucré, l'acidulé, tout ça se mélange dans la cuisine philippine, influencée par les coutumes chinoises, occidentales, espagnoles, américaines, etc., etc. Le riz constitue l'élément de base. La célébrité nationale, c'est le cochon de lait rôti, mariné dans le vinaigre et le soja. Il rôtit à la broche et enduit d'un mélange de lait et d'huile. On le sert avec une sauce épicée ou douce amère. Les pancit, ce sont des nouilles sautées. Les lumpia, ce sont des rouleaux de printemps. L'adabo, un autre plat national, c'est un ragoût de viandes épicées. Et le poisson est présent à tous les repas, poisson chat, poisson perroquet, maya maya, remanta, crabe, etc. Et le poisson national, c'est le lapu lapu, cousin du mérou. Il est consommé grillé. Le thon, consommé de la tête à la queue, est une spécialité de Mindanao. À découvrir aussi le curacha, une sorte de crabe écrevisse dont la chair se concentre plus dans le corps que dans les autres pattes. Accompagnement, beaucoup de légumes, dont le chou chinois, et des crosses de fougères. Au petit déjeuner philippin, on ne fait pas semblant, hein, jugez-en. Du riz avec un œuf accompagné de saucisses de porc au miel, du poisson et ou du bœuf. Dessert, le halo halo, servi dans un verre en méli-mélo, fruits au sirop, noix de coco, maïs, glace pilée, lait concentré et caramel. L'ananas et la noix de coco sont très utilisés en pâtisserie. Pomelo, durian, avocat, melon jaune sont souvent transformés en glace. Au rayon surprise, les salades de macaroni avec cocktail de fruits et mayonnaise sucrée. Boisson, aux Philippines, le thé a été supplanté par le café. Le buko, un jus de jeune noix de coco, bu à même l'écorce. Le jus de calamansi, sorte de citron vert. Jus de mangue, jus de papaye. Quant à la bière blonde, c'est la San Miguel. Le tuba est un vin de fleurs de cocotier. Le bazi, un vin rouge de canne à sucre. Le taipei, un alcool de riz. Toutes ces informations sur la gastronomie philippine ont été puisées dans le guide du routard. Merci le guide du routard. Trakin Billy Crawford. Still gotta move your feet. Keep on tracking me. Everybody's waiting.

une chanson de 2001. Même si certaines choses ont changé depuis, elle est malheureusement toujours d'actualité. Ils nous vendent des jolis paquets de cigarettes ornés d'un chameau sympa, ou d'un casque gaulois, d'un cow-boy ou d'une gitane qui joue des castagnettes. Il paraît que le bien-être, ça ressemble à ça. Mourir du tabac, Pierre Perret. Ils nous vendent de jolis paquets de cigarettes ornés d'un chameau sympa ou d'un casque gaulois, d'un cow-boy ou d'une gitane qui joue les castagnettes. Il paraît que le bien-être, ça ressemble à ça. Et je te fume à plein poumon les plaines du Far West, et je goudronne mes éponges, du moins ce qu'il en reste. Mourir du tabac, c'est parfois nécessaire. L'argent servira à vaincre le cancer. Donnons aux chercheurs une onde de clopinette, l'impôt de ces bienfaiteurs qui vendent leurs cancérettes. Tous ces marchands d'euphorie ne manquent pas d'honnêteté. Ils précisent que cela nuit gravement à la santé. Le docteur m'a dit stopper, vous ne tiendrez pas le coup. Je lui ai dit rassurez-vous, je bois aussi beaucoup. Vous cassez donc pas la tête, il y a encore de l'espoir. Tant que je fume des cigarettes, je ne pense pas à boire. Mourir du tabac, ça laisse des orphelins. Oui, mais pour l'État, ça fait des fifrelins. S'arrêter est un cauchemar, ne serait-ce pas plus facile si je me mettais au cigare comme l'ex-président Bill. D'après lui, ça vous procure des plaisirs insensés, mais dans certains cas de figure, vaut mieux ne pas tousser. De plus, les goûts des Havanes sont très diversifiés. Tout dépend dans quelle boutique ils furent humidifiés. Mourir du tabac, ça laisse des orphelins. Oui, mais pour l'État, ça fait des fifrelins. Mais que de discours fut-il à propos du tabac? Car ce vice est très utile, il est source d'emploi. Pour médecins et infirmières, buralistes et consorts, les marchands de pierres tombales, sans compter les croque-morts. L'État juge économique ce plaisir contesté, qui tue avant l'âge canonique les futurs retraités. Mourir du tabac, ça laisse des orphelins. Oui, mais pour l'État, ça fait des retraites en moins. Donnons aux chercheurs une onde de clopinette, la peau de ces bienfaiteurs qui vendent leurs cancérettes. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 43 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouverez le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours, mais nous serons là dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2, c'est pour les Lorrains, et radiofagette.net pour les autres Européens. Bon, nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.